peine à l'heure de partir. Il ne faut rien cacher des raisons qui demain me videront les veines. C'est à vous que je crois devoir les énoncer. Je nous revois enfants, courant sur les chemins, rêvant à chaque instant que vous preniez ma main. Chaque nuit je priais qu'un caprice du vent vous jette dans mes bras, ne fût-ce qu'un instant. À côte sans nous voir, amis et confidents, glorieux de ma vertu, j'ai souffert le martyr de vous appeler ma femme et de vous voir partir au bras d'un inconnu, m'enivrant chaque soir pour tarir mon chagrin au comble du désespoir. Je vous vis un matin heureuse au coin d'une rue, je me cachais en vain. Trouble à vos yeux, c'est là mon destin. L'histoire a ses raisons, je ne les comprends pas. La guerre croisa ma route, me menant à Verdun. Demain, très tôt sans doute, le sifflet sonnera. Il me faudra mourir comme les autres soldats. Chère amie, c'est sûr, je vous souhaite le bonheur. C'est à moi, bien à moi, que je dois mon malheur de ne pas avoir su vous entr'ouvrir mon cœur. Adieu donc, mamie, vous fûtes mon seul amour. J'attendrai que la mort vous saisisse un jour. Alors, où que je sois, ce sera jour de fête. Nous boirons en amis ou en amants, peut-être.